55. La culture sous les verrous. Lu par Clément Siebring. La culture sous les verrous. Les industries culturelles se sont elles aussi lancées dans une bataille mondiale pour défendre la rareté des œuvres. L'abondance est la conséquence de la facilité toujours plus grande avec laquelle on peut les dupliquer, et le faible coût des outils de reproduction les rend désormais accessibles au public et non aux seuls marchands de culture. Seul l'écrit paraît résister à cette profusion, le médium papier se montrant encore supérieur au médium numérique par sa qualité et la relation très symbolique entretenue par notre civilisation avec cet objet. Mais pour combien de temps ? Tout se passe comme si la culture se rapprochait de plus en plus de son caractère originel de bien public, cette catégorie de biens que les économistes définissent par leurs propriétés très particulières, comme nous l'avons vu, de non-rivalité et de non-excluabilité. Désormais, la musique est aussi abondante que la lumière, elle se puise sur un réseau peer-to-peer, sans en priver personne. Enrayer ces pratiques exige des mesures draconiennes. Surveillance des utilisateurs, procès, verrous technologiques. Cette mutation a tout du séisme pour les marchands de culture. Pendant des millénaires, la diffusion des œuvres reposait sur leur association avec un bien privé, plus coûteux à produire et à reproduire. Le copyright fonctionnait bien parce que, malgré Gutenberg, il était difficile de faire un livre, remarque John Perry Barlow. Confrontés à une remise en cause de leur modèle historique, les industries culturelles utilisent le même panel de lois et de technologies que les semenciers afin de réintroduire de la rareté là où elle est en voie de disparition. Côté technique, l'offensive a pris la forme des systèmes de DRM pour Digital Rights Management ou gestion des droits numériques, destiné à verrouiller les fichiers numériques afin d'en empêcher la copie ou en tracer l'utilisation. Ces technologies visent à remplacer les canaux actuels de diffusion des œuvres qui permettent l'ubiquité de celles-ci. Ainsi, le format le plus répandu pour échanger la musique via l'Internet est aujourd'hui le MP3, qui ne comporte aucune restriction à l'usage et permet donc la copie à l'infini, la lecture par n'importe quel logiciel multimédia, le gravage sur un CD, le transfert sur un baladeur numérique ou l'envoi par email. En comparaison, une chanson distribuée par exemple sur le site payant d'Universal Music France est fournie au format WMA de Microsoft. On ne peut l'écouter qu'avec des logiciels agréés, la copie est impossible, la gravure sur disque est limitée à une seule et le transfert sur baladeur numérique à 3 fois et encore seulement sur des appareils agréés. Bref, c'est pénible mais légal. De façon plus générale, les titulaires de droits peuvent décider dans le détail quels sont les usages des œuvres vendues qu'ils désirent autoriser ou pas. Les DRM sont constitués pour permettre un retour à l'exercice intégral des droits exclusifs des auteurs, des producteurs et des artistes et interprètes, d'autoriser ou d'interdire la reproduction des œuvres, indique un rapport gouvernemental français sur le sujet. Et ce droit exclusif leur permet d'aller aussi loin qu'ils le désirent dans les restrictions, voire d'imposer de nouvelles contraintes inconnues jusque-là.